Chapitre 20e. Si le capitaine Beaujonnier n'avait point conduit sa femme le jour du départ de celle-ci, ce n'était point qu'il fût brouillé avec elle, c'était simplement parce qu'il s'était couché tard la veille et qu'il n'aimait pas se lever le matin. Au bruit qu'elle faisait en allant et venant dans la chambre, il s'était cependant éveillé, et la voyant faire bouffer dans la glace les brides de son chapeau, il l'avait appelée pour l'embrasser. « Adieu, mon petit chat, » lui avait-il dit d'une voix empâtée. « Bon voyage. » Si tu t'ennuies trop là-bas, ou si tu ne te trouves pas bien, reviens. Seulement fais te donner une bonne indemnité. » Et sur ce conseil, il s'était tourné du côté de la ruelle pour fuir le soleil déjà haut qui le gênait. Mais avant de s'endormir, une idée lui avait traversé l'esprit. « Tu m'écriras, hein ? Dors tranquille. » Madame Beaujonnier n'oublia rien, pas même ses promesses. Après 5 ou 6 jours passés à Rudemont, elle pensa tenir celle qu'elle avait donnée à son mari. C'était un dimanche et elle n'avait rien de mieux à faire. Elle se mit à son bureau, et bientôt sa petite main courut, rapide et légère, sur le papier. « Mon vieux K, mon vieux Pi, mon vieux Ten, mon vieux capitaine, je mets la main à la plume pour te donner de mes nouvelles. As-tu trouvé le temps long depuis mon départ ? C'est une institution si bête que le mariage, qu'au lieu de te désoler de notre séparation, tu es bien homme à t'en être réjoui. Respirant avec bonheur quand tu n'as plus de femme à tourner autour de toi et que tu t'es senti libre. Oh, la liberté ! Comme nous nous serions aimés, si l'un et l'autre nous avions été libres. Tu es né, mon garçon, c'est le mariage qui t'a rendu grognon. Moi-même, je ne suis pas né, méchante fille, mais un mari qui toute la journée dit « je veux », ça ne dispose pas à l'amabilité. Enfin, ce qui est fait, et comme le divorce n'existe plus, nous ne pouvons pas rompre notre mariage pour avoir le plaisir de vivre ensemble comme deux bons amis, comme deux amants. Cette séparation, amenée par la dureté des temps, ils ont été vraiment un peu trop durs, nous tiendra lieu de divorce. C'est donc à mon ami que j'écris, un ami que j'aime d'une bonne et solide affection pour lui dire ce que j'ai fait depuis que je l'ai quitté. C'est aujourd'hui dimanche et après avoir conduit mon élève à la messe, il fallait voir ça, je me trouve à avoir un moment de liberté. Puisque tu es venu une fois aux courses de Condé-le-Châtel, je n'ai pas à te parler du pays, tu le connais. Admirable pour l'élevage des bestiaux, c'est possible, mais comme séjour pour une Parisienne, triste, véritablement, trop triste. Rudemont est un vrai château, de la grandeur, du style, une position magnifique. Si j'étais femme à me perdre dans la rêverie, je pourrais rester des heures entières sur mon balcon à regarder l'horizon sans bornes qui se déroule au loin, car j'ai un balcon. Un superbe balcon, sur lequel ouvrent les 4 fenêtres de ma chambre. Tu vois que je suis logé à l'aise. De ce côté, le marquis a bien fait les choses. Nous avons, mon élève et moi, le plus bel appartement du château. Ceci dit sur la cage, passons aux oiseaux qui l'habitent. Au marquis, d'abord. À tout seigneur, tout honneur. Je t'ai dit que c'était un vieux beau. Mais en lui, il y a mieux que les restes d'un maqueur qui a pris sa retraite, d'autant mieux que cette retraite est volontaire. On sent à son œil noir, sous un sourcil grisonnant, qu'il suffirait d'un rien pour qu'il rentre en service actif, et je crois même singulièrement actif. À Paris, sa grande taille me l'avait fait paraître assez ridicule. Mais ici, je suis revenu de cette impression première. Dans nos appartements étriqués, il n'est pas à sa place. La campagne, au contraire, les bois et ce château lui font un cadre qui est tout à son avantage. Il faut le voir, surtout à cheval, lorsque d'une allée du parc il débouche au galop, la seule allure qu'il permet à ses chevaux. Il semble qu'on a devant soi un homme d'un autre temps. Et à vrai dire, sous beaucoup d'autres rapports, il n'est pas de notre époque. Une bonté qui va jusqu'à la bêtise, nulle défiance, l'indifférence, sinon le mépris, pour toutes les choses de l'argent ou d'intérêt. Quand on a un pareil caractère, se joint une belle fortune. 300 ou 400 000 francs de rente en bienfonds qu'on dépense largement. Quand on donne l'ordre à ses gardes d'être sévères pour les délits de chasse, mais facile et aveugle pour les vols de bois, on est naturellement aimé dans un pays. C'est le cas du marquis. Paysan, bourgeois, noble, tout le monde l'adore. N'étaient ses opinions, il serait certainement le député de l'arrondissement. Mais légitimiste étroit, il n'a jamais voulu répondre aux avances qui l'ont été faites par le gouvernement. Lui, qui est indulgent pour tout et pour tous, est de ce côté féroce. Hier à table, il disait que tous les bonapartistes ont une tare, que c'est cette tare qui détermine leur opinion. Je te répète ce propos afin que tu mettes ton drapeau dans ta poche quand tu viendras me voir. Il est inutile que nous l'inquiétions. et je ne vois pas pourquoi tu resterais bêtement fidèle à un parti qui t'a abandonné. Voilà mon maître, au moins tel que je l'ai vu jusqu'à présent. Maintenant, passons à l'élève. On peut la faire connaître en un mot, une bonne petite fille. Mais pour le moment, rien que cela. Sous tous les rapports, elle est en retard. En elle, rien encore d'éveillé. Cependant, elle est intelligente et sera, je crois, une nature sentimentale. Présentement, elle est dévorée par un ardent besoin d'affection et de tendresse. Un mot d'amitié la met en émotion. C'est par là que je compte la gagner. Je vais me faire aimer d'elle, ce qui sera facile, et quand elle me sera solidement attachée par des liens noués aux parties les plus sensibles de son cœur, je verrai à quel point elle peut m'être utile. En attendant, je te prie de faire en sorte de savoir si elle est la fille du marquis. Cela paraît probable puisqu'il l'a adoptée, mais je voudrais mieux qu'une probabilité. Je sais qu'il est assez difficile d'aller, après 15 années, repêcher dans la mer parisienne la naissance d'un enfant. Mais Malajolet n'était pas la première venue. C'était une comédienne à la mode. Il y a des gens qui se rappellent les faits les plus insignifiants du monde, quand ces faits se rapportent à une personne en évidence. C'est quelqu'un de cette espèce qu'il faut que tu trouves et que tu fasses causer. Je ne te demande pas de m'affirmer si le marquis est ou n'est pas le père de Denise. Bien hardi est celui qui peut donner une affirmation dans une pareille question. Je te demande simplement de me dire si le marquis a été l'amant d'Emma Lajolet au moment de la naissance de mon élève. Ce renseignement peut devenir pour moi, c'est-à-dire pour nous, d'une importance capitale. Je te le recommande donc. En venant ici, je croyais trouver le château habité par le marquis tout seul, mais il n'en est pas ainsi. Avec sa bonté naïve, le marquis a recueilli, il y a 10 années, 2 parents pauvres, le frère et la sœur, et bien entendu, les parents pauvres sont peu à peu devenus les véritables maîtres de la maison. L'un, le frère, est une espèce de rustre d'environ 60 ans, fier, insolent, dur à tous, grand parleur, grand mangeur, grand coureur de gibier de toutes sortes, et qui a une manière de renifler en me regardant qui est la plus réjouissante du monde. Ses yeux s'arrondissent en boule de loto, ses narines se dilatent, ses moustaches se dressent, et il semble que comme l'ogre il va crier « Ça sent la chair fraîche ici !» L'autre, la sœur, est une femme doucereuse qui parle lentement et avec dignité. Quand elle vous dit bonsoir, ce simple mot dans sa bouche devient une bénédiction. C'est la veuve d'un magistrat. Elle a pour fils un bon petit jeune homme, bien correct dans sa tenue et dans son langage, qui est substitut à Condé. Ses bons parents, tu dois le penser, n'ont pas vu arriver Denise au château avec une bien vive satisfaction. Ils avaient fait leur plan, que la venue de l'enfant, surtout si cet enfant est la fille du marquis, menace de bouleverser de fond en comble. Comme ce sont d'habiles gens, la sœur surtout, chez le frère, la paysannerie a engendré la finesse. Ils nous ont fait un accueil tout à fait sympathique. Et mon marquis, qui ne voit que ce qu'on lui montre et ne cherche jamais ce qu'on lui cache, a paru enchanté. Quand le jour de notre arrivée au dîner, le cousin, M. Artem Fabu de Carquebu, j'espère que les noms te montrent le personnage, a levé son verre et d'une voix qui cherchait la bonhomie a dit « Arthur, je vois aussi la venue de cette charmante enfant parmi nous. Elle sera notre fille. » Mon marquis a eu la larme à l'œil. Pour moi, qui restait les yeux baissés sur mon assiette et voyait tout cependant, j'ai compris la situation. Depuis, les quelques observations que j'ai pu faire m'ont confirmé dans mon sentiment, nous sommes tombés en pleine guerre. Comment va-t-elle se faire, je n'en sais rien, mais certainement elle va être activement poussée et je me figure que pour une personne intelligente qui assistera à cette lutte, il y aura quelque chose à gagner. Quoi ? Vas-tu me dire ? Comment ? À cela, je ne peux pas répondre. D'abord parce que je ne vois pas encore clairement mon but, ni surtout les sentiers par lesquels je dois passer pour l'atteindre, et puis parce que l'heure des explications n'est pas venue. Pour le moment, j'attends et je suis décidé à rester dans l'expectative jusqu'au jour où je pourrai me décider sûrement à agir. Sache seulement, pour l'heure présente, que notre fortune, tu lis bien, fortune, et je souligne le mot 2 fois, sache que notre fortune me paraît prendre une face nouvelle, comme on dit au théâtre français. Et sois bien persuadé que quoi qu'il arrive, tu auras toujours la meilleure part de ta femme. Sur ce, je suis obligé de te quitter pour aller faire une lecture pieuse avec mon élève. Plains-moi, plains ta petite Clémence. P.S. Je pense que tu voudras m'écrire. Dans ce cas, je te prie de ne pas m'adresser les lettres ici. Il faut prendre ses précautions quand on est en pays ennemi et ne rien risquer à la légère. Tu m'enverras donc tes lettres post-restantes à Condé-le-Châtel sous les initiales C.O.P. J'irai de temps en temps les chercher. J'aime mieux un retard qu'une indiscrétion. En revenant ici, j'aurai tout le temps de lire tes lettres et de les déchirer en petits morceaux. J'aime mieux me fier à ma mémoire qu'aux serrures.